بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة aujourd'hui le mercredi 6 شوال de l'année 1444 de l'Hégire correspondant au 26 avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons. On a parlé dans le cours précédent de Salman al-Farisi et de son histoire que j'ai essayé de résumer, qui est très importante à connaître. Et vous avez vu que le Nabi alayhi salatu wasalam, quand il lui a raconté son histoire, il a voulu que les compagnons l'entendent. Cette longue quête de Salman radiallahu anhu dans la quête de la vérité radiallahu anhu arda. Et c'est ainsi que nous disons que l'homme sincère, forcément, il finit par être guidé dans la vérité. C'est pour ça ce que nous craignons, c'est notre manque de sincérité et nos péchés. Car ça peut être une cause d'égarement. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous n'accorde pas cette ni'ma qui est un pur bienfait de sa part. Nous la méritons jamais. Et c'est pas un devoir pour lui de nous la donner, qui est une ni'ma de la guider des cœurs. Une ni'ma de l'acceptation de la vérité et du suivi du chemin droit. Mais la guider de l'orientation et la guider avec les textes et les preuves, ça, c'est accordé à tout le monde. Lakin, qu'est-ce qui va te permettre d'accepter ces preuves et d'accepter cette vérité et de la suivre? Et vous constatez, on le constate tous, combien de choses on l'apprend et on arrive à la mettre en pratique que plusieurs années plus tard. Et d'autres personnes, ils peuvent l'apprendre aujourd'hui, ils la mettent en pratique le jour même. Ça, c'est un pur bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, la chose la plus importante que nous devons travailler, c'est notre sincérité. Et de ne vouloir que l'agrément et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce que nous disons, et tout ce que nous faisons, et tout ce que nous croyons. Et c'est uniquement ça qui sera profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un compagnon parmi qui avait une particularité qui peut vous sembler un peu marrante. Ce compagnon était un grand coureur. Il pouvait défier le cheval dans une course. Radiallahu anhu. Il s'appelle Salama ibn al-Akwa. Salama ibn Amr ibn al-Akwa al-Aslami. Il est décédé, il est entré en islam tout d'abord à l'âge de 16 ans. Il avait 16 ans à peu près quand il est entré en islam. Et et il est décédé à Médine en l'an 74 de l'Hégire. Donc c'est parmi les jeunes compagnons. Il a vécu plus de 70 ans. Il a vécu plus de 70 ans, radiyallahu anhu. Salama radiallahu anhu, malgré son jeune âge, il a participé avec le Nabi alayhi salatu wasalam dans 7 de ses batailles. Il a participé dans 9 batailles où il n'y avait pas le prophète alayhi salatu wasalam, pendant le vivant du prophète alayhi salatu wasalam, mais dans lesquelles il y avait des commandants parmi les compagnons. Et le Nabi alayhi salatu wasalam n'avait pas participé. Comme la célèbre bataille de Mu'tia. La célèbre bataille de Mu'tia. Il a participé dans cette bataille. Et Salama radiallahu anhu, il fait partie de ceux qui ont fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam sous l'arbre. Ladhina bay'u tahta ash-shajara. Le pacte de l'Hudaybiya. Donc, ça c'est parmi les meilleurs des compagnons d'une manière absolue. Les 1400 et quelques qui ont fait ce pacte d'allégeance, c'est parmi les meilleurs des compagnons. Et on a vu leur mérite à ceux qui ont fait le pacte de l'Hudaybiyah, au prophète, alayhi salatu wassalam. Et comme il a dit salam à lui-même quand il a été interrogé, ils lui ont dit, vous avez fait le pacte sur quoi? C'était un engagement sur quoi? Il a dit, sur la mort. Être avec le prophète alayhi salatu wassalam et le défendre et combattre dans sa défense jusqu'à la mort. Yazid ibn Abi Ubaid, il dit, j'ai vu la trace d'un coup dans la jambe de Salama. Et je lui dis, Ya Aba Muslim, c'est sa kunya, Abu Muslim, Salama ibn al-Akwa. Il lui a dit, c'est quoi ce coup que tu as sur la jambe? Il a dit, ça c'est un coup que j'ai reçu le jour de la bataille de Khaybar, contre les juifs de Khaybar. Et suite à ce coup, les gens ont dit, Salama a été touché. Ils ont pensé qu'il allait y passer, qu'il allait mourir. Et quand Nabi alayhi salam l'a vu, il a postillonné 3 fois sur l'endroit où il y avait le coup, et il a dit, depuis ce jour-là, je n'ai jamais eu mal à cet endroit. Donc j'ai dit que c'était un grand coureur, et ça c'était connu chez les Arabes même avant l'islam. Même avant l'islam, il y avait des hommes qui pouvaient courir plus vite que le cheval et qui pouvaient courir pendant des heures et des heures. Et c'était le cas de Salama dans l'islam. Mais il y avait beaucoup avant l'islam qui étaient comme ça. Donc on peut dire entre parenthèses que c'était un grand sportif, radiyallahu anhu. Et c'est pour ça que le Nabi alayhi salam, dans une bataille, malgré qu'il était à pied. Vous savez que dans les batailles, quand on prend le butin, le gouverneur, il le répartit, après avoir retiré le cinquième qui est donné pour Allah et son messager, dans des voies du bien d'intérêt général, le reste est réparti entre ceux qui ont participé dans la bataille seulement. Et on donne à quelqu'un qui a combattu en étant à pied, on lui donne une part. Et on donne à un cavalier, quelqu'un qui a combattu en ayant un cheval, on lui donne 3 parts. Une part pour lui et 2 parts pour son cheval. Et Salama radiallahu anhu, le Nabi alayhi salam, il lui a donné comme le cavalier. Car il a combattu comme quelqu'un à pied et comme un cavalier. Et mieux encore, radiallahu anhu. Et ça, c'est autorisé que le gouverneur, après avoir donné à chacun son droit, de donner plus à quelqu'un qui a fait plus d'efforts pour récompenser ses efforts, ou qui a fait plus de mal aux ennemis, et ainsi de suite. Au Nabi alayhi salam, ça lui arrivait de faire cela. Ensuite, un autre sahabi, qui s'appelle Dimad ibn Tha'laba al-Azdi radiyallahu anhu. Comme rapporte Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit que Dimad est venu à Mecca. Il faisait partie de Azd Shanoua. Azd Shanoua, c'est une tribu au Yémen qui sont connues pour être des hommes grands de taille et avec la peau mate. Moussa alayhi salam, il ressemble à ces gens-là, physiquement, et aussi dans sa couleur de peau. Donc, Dimad est venu à Mecca. Et Dimad était connu dans sa tribu de faire ruqya. Ça, on parle avant l'islam. Il était connu pour faire ruqya. Et il faisait ruqya contre le djinn et shayatin. Il faisait la ruqya à ceux qui étaient touchés par le djinn, l'arwah. Donc quelqu'un qui était touché par une folie provoquée par le djinn, et ça c'est des choses que connaissaient les Arabes, yani le djinn il rentre dans le corps, il peut prendre le contrôle en fonction du cas. Lui, il faisait ruqya contre ces maladies-là. Et quand il est venu à Mecca, il a entendu des sauts parmi les Mécois, les stupides parmi eux, qui disaient que Muhammad était touché par la folie. La folie provoquée par le djinn. Il disait de lui, Majnoun, alayhi salatu wassalam. Quand il a entendu ça, en voulant bien faire, il a dit, si seulement je pouvais le voir, je lui aurais fait une ruqya, peut-être que Allah le guérit par ma cause. Et effectivement, il a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'est assis avec lui, il lui a dit, à Muhammad, ô Muhammad, je fais la ruqya contre ces maladies, les gens qui sont touchés par le djinn. Et j'espère qu'Allah te guérisse par mon intermédiaire. Est-ce que tu souhaites que je te fasse une ruqya? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Quand le prophète alayhi salam il a dit ça, il a dit khutbat al-haja, qu'il avait l'habitude de dire en début de ses prêches le jour de l'Jumu'ah et aussi dans les événements importants tels que le mariage et autres. Quand il a entendu ces paroles, Dimad lui a dit répète-moi ce que tu as dit. Et le prophète alayhi salam lui a répété trois fois khutbat al-haja. Ensuite Dimad a dit j'ai entendu les paroles des devins. Et j'ai entendu les paroles des sorciers. Et j'ai entendu les paroles des poètes. Je n'ai jamais entendu comme ces paroles. Il lui a dit, ces paroles que tu as prononcées ont atteint le plus profond de la mer. Il voulait dire que ces paroles, dans leur éloquence et dans leur guidée, vers le bien, ont atteint un degré extrêmement élevé. Et pourquoi il a dit ça? Car les gens de l'égarement, pour lui, cet homme sage, pour lui, les gens de l'égarement, ils ne peuvent jamais prononcer des paroles comme celle-là. C'est-à-dire que ces paroles ont atteint un niveau extrêmement élevé, yani ont atteint les cœurs jusqu'au plus profond des mers. Yani jusqu'aux animaux qu'il y a dans les profondeurs de la mer. Yani, en gros, c'est ça. Ça, c'est une expression. Et sa signification, c'est comme j'ai dit. Et ensuite, il a demandé au prophète, alayhi sallam, de lui tendre sa main afin de faire le pacte sur l'islam. et de devenir musulman. Et effectivement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté de lui. Et il lui a dit, est-ce que je te fais le pacte sur ton islam à toi seul, ou ton islam et l'islam de des gens de ta tribu, yani des tiens, yani les gens de ta tribu. Il lui a dit, moi et ma tribu, car c'était le maître de sa tribu. Et c'est pour ça, ça me fait penser à un frère. Les frères m'ont envoyé un commentaire qu'il a écrit sur l'explication de Abasa wa Tawalla, quand le prophète alayhi sallam s'est détourné de Abdullah ibn Ummi Maktoum radiyallahu anhu. C'était dans cet objectif-là. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a blâmé sur cela, ça ne représente en aucun cas une diminution du rang du prophète alayhi sallatu wassalam. Et le Nabi alayhi sallatu wassalam, il ne s'est pas tourné vers les riches et les dignitaires et les maîtres de leur tribu pour un intérêt mondain. C'est pour l'intérêt de la religion. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, cet homme qui est Abdullah ibn Ummi Maktoum est meilleur que la terre remplie de ses dignitaires. Donc il n'y a aucune diminution en cela, car le frère il disait qu'il avait du mal à accepter cela, même si c'est cité dans Tafasir, même il n'y a pas de diminution pour le rang du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam a été attaché. Regarde, cet homme, il entre en islam, et son peuple, ils ne savent même pas ce que c'est l'islam encore, ils n'ont jamais entendu parler de l'islam, et ils donnent la garantie qu'ils vont tous entrer en islam. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était attaché à l'islam de ces gens-là. Car les gens, en général, ils suivent leur roi, leur président, leur dignitaire. En général, ils sont comme ça. S'ils sont dans le mal et dans l'égarement, ils vont être avec eux. S'ils sont dans le bien, ils vont être avec eux également. Lakin ça, c'est d'une manière générale. Il y en a qui font une exception. Les doués de bon sens et d'intelligence, ils cherchent la vérité. Et ils suivent la vérité avec ses preuves. Mais quand tu constates la masse des gens, les gens de la masse, ils sont comme ça. Tu leur ramènes un imam sauvi, il devient sauvi. Un imam tabliri, il devient tabliri. Un imam ikhwani, il devient ikhwani. Un imam salafi, il devient salafi. Ça, c'est rien qu'un imam de la mosquée de leur ville. Et quand le Nabi alayhi salam ensuite avait envoyé une expédition dans une mission militaire, ils sont passés par la tribu d'Odemad. Ils n'étaient pas au courant de son islam et qu'il a pris le pacte que tous ils vont entrer dans l'islam. Et ils ont pris de cette tribu un récipient pour faire les ablutions. Seulement, un compagnon les a vus, il leur a dit, est-ce que vous avez pris quelque chose de la tribu de Démad? Ils ont dit, ce récipient. Il leur a dit, rendez-le, car ce sont la tribu de Démad. Et il a fait le pacte au prophète alayhi salatu wassalam de leur islam. Ensuite, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Abbas, fils de Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, comme on a vu à plusieurs reprises, son prénom c'est Shayba. Et on a cité pourquoi il a été appelé Abd al-Muttalib. Shayba, fils de Hashim, fils de Abd al-Manaf. Et Al-Abbas, c'était le plus jeune des fils de Abd al-Muttalib. Donc c'est l'oncle le plus jeune du prophète alayhi salatu wassalam. Et à ce sujet, yani, il y avait entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam 3 ans d'écart. 3 ans d'écart. Il avait 3 ans de plus que le prophète alayhi salatu wassalam. Il est entré en islam le jour de la conquête de Mecca. Il a été dit autre chose. Il a été dit qu'il est entré en islam bien avant. Mais il a montré son islam ce jour-là. Nana, vous vous rappelez On a vu qu'il a assisté dans le Bay'ad al-Aqaba al-Oula pour protéger le prophète alayhi salam. Vous imaginez un kafir qui assiste avec le prophète alayhi salam et il assiste pour le protéger des gens qui vont entrer dans sa religion, dans l'islam, et qui vont l'accueillir pour combattre Quraysh. Yani, ça, c'est ça qui a fait que certains savants ont dit il est entré en islam avant, mais il ne l'a montré que le jour de la conquête de Mecca. Et le prophète, il l'aimait énormément, il le respectait énormément. Il est décédé en l'an 32 de l'Hégire, pendant le mois de Ramadan. Il avait dépassé les 80 ans. Il a été enterré dans le cimetière de l'Baqir, à côté de l'Masjid al-Nabawi. Et l'Abbas, radiallahu anhu, c'est lui qui a été interrogé. Une fois, il a donné cette belle réponse. Il a été interrogé. Lequel est le plus âgé d'entre vous, toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam? En arabe, on dit akbar. Il y en a âgé, il n'y a pas ce problème, lakin, lequel est le plus grand d'entre vous, toi ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voulant l'âge. Et il a donné cette réponse, il a dit, moi, je suis né avant lui, et lui, il est plus grand que moi. Et on voit l'éloquence dans la réponse et la subtilité et comment il a montré qu'il est plus âgé mais il n'est pas plus grand que le prophète dans l'estime et dans la valeur radiyallahu anhu arda. Et un jour le prophète lui a dit lequel est le plus âgé d'entre nous, moi ou toi? Il a dit ô messager d'Allah, t'es plus noble que moi et t'es plus grand que moi et t'es meilleur que moi. Et moi, je suis plus âgé que toi. Il avait à peu près 3 ans de plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À son sujet, le prophète alayhi wa sallam a dit un jour, selon Sa'd ibn Abi Waqqas, le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit à son oncle Abbas, il a dit, ça c'est l'Abbas, fils de Abd al-Muttalib. Le plus généreux de toute Quraysh est celui qui maintient le plus ses liens de parenté. Celui qui entretient le plus ses liens de parenté. Ça, c'est par rapport à l'oncle du prophète, alayhi salam, Al-Abbas. Ensuite, on va parler d'un sahabi qui était un des plus grands savants juifs de Médine. Un des plus grands savants juifs de Médine. Il était le meilleur des savants juifs de Médine. Il s'appelle Abdullah ibn Salam ibn al-Huwayrif al-Israili. Et c'est un Khazraji à la base. Il est de la tribu de l'Khazraj. Mais c'était un juif. Il était sur la religion juive. Il est décédé à Médine en l'an 43 de l'Hégire. Et Abdullah ibn Salam radiallahu anhu est parmi les juifs qui cherchaient la vérité. Qui cherchaient la vérité. C'est pour ça il a... Yani, on va lire le hadith et après je citerai d'autres points qui ne sont pas dans ce hadith mais dans d'autres hadiths. Donc selon Anas radiallahu anhu, quand Abdullah ibn Salam radiallahu anhu a entendu l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, il l'a entendu en étant dans un jardin à lui duquel il cueillait des fruits. Il récoltait des fruits. Et quand il a entendu l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, alors que il savait bien sa description. Et il savait bien son prénom. Comme il a dit à sa tante paternelle, Ammatuhu, qui s'appelle Khalida. Il savait très très bien, d'après leurs écrits, la description du prophète, ainsi que son prénom. C'est pour ça qu'il savait que c'était le prophète. Il attendait juste qu'il arrivait à Médine. Et quand il a entendu son arrivée à Médine, Il était, comme on a vu, dans un jardin, en train de travailler des palmiers. Il était accroché à un palmier, il prenait des dattes, des fruits. Et quand il l'a entendu, il a dit « Allahu Akbar ». Sa tante maternelle Khalida lui a dit « Si tu avais entendu l'arrivée de Moussa, tu n'aurais pas fait plus que ce que tu as fait ». Il a dit « Oui, car il est le frère de Moussa ». Celui qui vient d'arriver, il est le frère de Moussa. Et Allah l'a envoyé avec la même chose avec laquelle il a envoyé Moussa. Sa tante lui a dit « Est-ce que c'est le prophète duquel on nous parlait avant ?» et qu'il allait sortir avec la fin des temps, yani, sa sortie va être proche de la fin des temps et de l'arrivée de l'heure. Il lui a dit oui. Et il est entré en islam, radiyallahu anhu, et il a demandé à tous les membres de sa famille d'entrer en islam. Ils sont tous entrés en islam. Il est entré en islam. Et quand il a su que le prophète alayhi salam est venu, il est parti le voir. Et il lui a dit, je vais t'interroger au sujet de trois points que ne connaît qu'un prophète. La première, quel est le premier signe précurseur de la fin des temps? Et le deuxième, quelle est la première chose que mangera les gens du paradis? La première chose qui sera présentée aux gens du paradis à manger. Et pourquoi l'enfant, tantôt il ressemble à son père et tantôt il ressemble à sa mère? Le prophète alayhi salam lui a dit, Jibril alayhi salam vient de m'informer de réponses de ces trois questions. Il lui a dit, Jibril? Il a dit oui. Il a dit, ça c'est l'ennemi des juifs parmi les anges. Et il lui a récité, le prophète alayhi salam lui a récité ce verset. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. Dis qui prend Jibril comme ennemi, Allah l'a fait descendre sur ton cœur. Ensuite, Nabi alayhi salam lui a donné les réponses à ces trois questions. Il lui a dit, le premier signe précurseur de la fin des temps, un feu qui conduira les gens de l'est vers l'ouest. Et la première chose que mangera les gens du paradis, c'est un petit morceau dans le foie du grand poisson. Le foie du poisson, dans le foie, il y a un petit bout, c'est ça qui sera présenté aux gens du paradis en premier. Et en ce qui concerne la ressemblance, il lui a dit, si c'est le liquide de l'homme qui devance, le liquide de la femme, alors l'enfant lui ressemblera. Et si c'est le liquide de la femme qui devance, alors la ressemblance sera à la femme. Ensuite, Abdullah ibn Salam lui a dit, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, excepté Allah, et que t'es le messager d'Allah. Et ensuite, il lui a dit au messager d'Allah, n'annonce pas mon islam aux juifs, car ce sont des gens, des menteurs, des traîtres, et des pervers et déviants, et des dépravés. S'ils savent que je suis entré en islam, ils vont dire de moi beaucoup de mensonges. Mais convoque-les d'abord et demande-leur à mon sujet. C'est ce que le Nabi alayhi salam a fait. Il a convoqué les juifs. Il leur a dit, qu'est-ce que vous dites de Abdullah ibn Salam? Ils ont dit, c'est le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. C'est le plus grand savant d'entre nous et le fils du plus grand savant d'entre nous. C'est notre maître et le fils de notre maître. Il leur a dit, le prophète alayhi salam, qu'est-ce que vous dites si je vous annonce son islam? Et qu'il est entré en islam. Ils ont dit qu'Allah le préserve de cela. Abdullah ibn Salam est sorti. Il leur a dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ils ont dit, c'est le pire d'entre nous et le fils du pire d'entre nous. Et ils n'ont cessé de le dénigrer et de l'insulter et de le rabaisser. Ensuite, Abdullah ibn Salam a dit au prophète, c'est ce que je t'ai dit au messager d'Allah et c'est ce que je craignais. Abdullah ibn Salam, c'est parmi les compagnons annoncés au paradis, auxquels le prophète nous a dit qu'ils font partie des gens du paradis. Comme a rapporté Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, il a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas, il a dit, je n'ai jamais entendu le prophète dire d'un homme qui marche sur terre, qui est encore vivant, qui fait partie des gens du paradis, à l'exception de Abdullah ibn Salam. Et c'est en son sujet qu'a été révélé le verset « Wa shahida shahidun min bani Israël » et a témoigné un témoin parmi les fils d'Israël. Parmi les fils d'Israël a témoigné de la véracité du Coran et il a témoigné de la véracité de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qais ibn Abbad, il dit, un jour j'étais à Médine et il y avait des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Ça c'est après la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a dit, il y avait des compagnons dans une assise. D'un coup, est entré dans la mosquée un homme sur lequel on voyait sur son visage, on voyait la dévotion et la crainte d'Allah. Certains ont dit, parmi ceux qui étaient assis, ils ont dit, ça c'est un homme parmi les hommes du paradis. Et il a fait deux rak'at, qui n'étaient pas très longues, et ensuite il est sorti, il est parti chez lui. Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Qais, rahimahullah, il dit, je l'ai suivi, pour savoir où est-ce qu'il habitait. Et quand il est entré chez lui, j'ai toqué et je lui dis que je voulais te parler. Et il lui a cité la raison. Il lui a dit, quand tu es entré dans la mosquée, des compagnons du prophète alayhi sallam ont dit ça et ça à ton égard. Il a dit, Subhanallah, la personne ne doit pas parler avec la chose qu'elle ne connaît pas. Et moi, je vais t'informer de mon histoire. Il lui a dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, et je lui ai raconté mon rêve. Je lui ai raconté mon rêve. Et dans une autre riwaya, quand il lui a dit, ils ont dit que tu es parmi les gens du paradis, il a dit, Allah sait mieux qui sont les gens du paradis. Mais moi, je vais te dire pourquoi ils ont dit ça. Il lui a dit, je vais te dire pourquoi ils ont dit ça. Et il lui a raconté son rêve. Il lui a dit, pendant que je dormais, un homme est venu, il m'a pris par la main. Il m'a conduit avec lui. Et à un moment, j'ai vu un cheval à ma gauche. Je voulais le prendre. Il m'a dit, ne le prends pas, car ça, c'est les voies des gens de la gauche. Et ensuite, j'ai vu un cheval à ma droite. Il m'a dit, prends-le. Et je l'ai pris, je l'ai monté. Je suis monté à cheval et on est parti jusqu'à une montagne. Et on a escaladé la montagne jusqu'à arriver à son sommet. Mais avant de l'escalader, il a dit, avant de l'escalader, il escaladait, après il tombait. Il escaladait et tombait, il n'arrivait pas. Il a fait ça à plusieurs reprises. Ensuite, l'homme est venu, il l'a pris, il l'a monté jusqu'au sommet de la montagne. Et ensuite, il a vu une colonne qui montait jusqu'au ciel. Et tout en haut de la colonne, il y avait un anneau, une anse. L'homme lui a dit, escalade la colonne maintenant. Il lui a dit, comment je peux l'escalader alors que ça arrive jusqu'au ciel? Et il l'a pris par la main et il l'a fait monter jusqu'à ce qu'il ait arrivé à cet anneau, à cette anse. Et il lui a dit, saisis-la bien. Il l'a saisi et ensuite, il a donné un coup à la montagne, elle s'est écroulée. Et elle a disparu. Il est resté attaché à l'anse jusqu'au matin. Et quand il s'est réveillé, il est venu, il a raconté son rêve au prophète alayhi salatu wassalam. Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, les voix que tu as vues à ta gauche, ce sont les voix des gens de la gauche, yani les voix des gens de l'enfer. Et à ta droite, ce sont les voix des gens de la droite, les gens du paradis. Et la montagne, c'est la demeure des martyrs. Et tu n'auras pas ce degré-là. Par contre, la colonne, c'est le pilier de l'islam. Et l'anse, c'est l'anse la plus solide de l'islam, que tu as saisie et à laquelle tu resteras accroché jusqu'à la mort, rapporté par l'imam muslim. Quand la mort est arrivée à Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, ils lui ont dit, fais-nous des recommandations. Il leur a dit, mettez-moi dans la position assis. Et ensuite, il leur a dit, la science et la foi sont toujours à leur place. Celui qui les cherche, il les trouvera. Allahu Akbar. Bonne nouvelle pour nous tous. La science et la foi sont toujours à leur place. Dans le Kitab et dans la Sunna, et chez nos savants, parmi Al-Sunna wal-Jama'a, les savants salafiyyin. Donc celui qui veut la science, il peut toujours la trouver, y accéder. Alhamdulillah. Et ensuite, il leur a dit, il a répété ça trois fois, Mu'adh radiallahu anhu. Et ensuite, il leur a dit, demandez la science auprès de quatre. Il a cité le premier, Uwaymir, Abu Darda, radiallahu anhu. Abu Darda, le grand compagnon, le grand sage des compagnons. Et le deuxième, il a cité Salman al-Farisi. Et le troisième, il a cité Abdullah ibn Mas'ud. Et le quatrième, Abdullah ibn Salam. Il a dit qu'il était un juif et qu'il est entré ensuite dans l'islam. Car j'ai entendu le prophète alayhi salam dire à son sujet qu'il est qui fait partie des 10 annoncés au paradis. Sa'd ibn Abi Waqqas, il dit qu'un jour, on a ramené un plat de Tharid. Tharid, c'est parmi les meilleurs plats qui existaient à l'époque du prophète alayhi salam, dans lequel il y avait de la viande et du pain avec de la sauce. Pain et viande avec de la sauce. Ça s'appelle Tharid. En français, ils appellent ça une panade. Donc on a ramené au prophète alayhi salam un plat de Tharid. Il a mangé. Il restait un peu dans ce plat. Il a mangé, alayhi salatu salam, le Nabi alayhi salam, il aimait beaucoup Tharid. Il restait un peu. Ensuite, le prophète, alayhi salam, a dit, il entrera par cette porte un homme parmi les gens du paradis qui va manger ce reste. Et Sa'd, radiyallahu anhu, il a dit, quand je suis sorti de chez moi, mon frère Umayr, ibn Abi Waqqas, Umayr, le petit frère de Sa'd, radiyallahu anhu, il a dit, je l'ai laissé, il se préparait pour venir voir le Nabi, alayhi salatu wassalam. Et j'ai espéré que ce soit lui qui vient en premier pour manger le reste de Tharid pour cette bonne nouvelle que le Nabi alayhi sallam a dit à son sujet, un homme parmi les gens du paradis. Et celui qui est venu, c'était Abdullah ibn Salam. Il a mangé le reste du prophète alayhi sallatu wassalam. Ensuite, on va parler de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète alayhi sallatu wassalam, au sujet duquel le Nabi alayhi sallatu wassalam a fait énormément d'invocations. Au sujet duquel le Nabi alayhi sallatu wassalam a fait énormément d'invocations. Ce grand compagnon, ce grand savant parmi les savants des compagnons radiyallahu anhu. Il dit Abdullah ibn Abbas, un jour je suis venu et j'ai trouvé que le prophète il est parti faire ses besoins et je lui ai ramené un récipient pour faire ses ablutions et pour se purifier. Quand il est sorti, il a trouvé le récipient. Il a dit, qui a posé ce récipient? J'ai dit, moi. Et dans une autre version, ils ont dit, c'est Abdullah ibn Abbas. Il a dit, oh Allah, accorde-lui la compréhension de la religion. Allahumma faqqihu. Et un jour, Abdullah ibn Abbas, il dit, le prophète, Abdullah ibn Abbas, ils disent que le prophète, alayhi salatu wassalam, est décédé, il avait à peu près 10 ou 11 ans. Il avait mémorisé déjà al-Mufassal, Qisar al-Mufassal, ou al-Mufassal afwan. Il avait mémorisé depuis Sourate Qaf. Il avait mémorisé depuis Sourate Qaf. Abdullah ibn Abbas est né à Mecca. Et il est décédé dans la ville de Taif, qui est à 60-70 kilomètres de Mecca. Il n'aimait pas rester à Mecca, par peur de tomber dans les péchés. Et ça, c'était connu chez Salaf. Ils allaient à Mecca pour accomplir leur rituel, et ils la quittent aussitôt. Car les bonnes actions, certes, sont décuplées et multiplié à Mecca, mais aussi les péchés. Et à Mecca, c'est le seul endroit sur terre où rien que l'intention de faire un péché est puni par Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que l'intention. Et ça, ce n'est valable pour nulle part ailleurs. Rien que d'avoir une mauvaise intention à Mecca, ça peut être la cause d'un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit, il est décédé dans la ville de Taif en l'an 68 de l'Hégire, après avoir atteint un degré extrêmement élevé dans la science. Il est connu de lui que quand les compagnons, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, il avait 11 ans à peu près, il n'a pas entendu beaucoup de hadith directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il était assidu à la demande de science auprès des compagnons et des plus savants parmi eux notamment. Et quand il invitait un autre jeune de son âge à faire cela, il le décourageait. Il lui disait, pourquoi tu veux apprendre? Ça va servir à quoi les gens? Tu crois que les gens ils vont avoir besoin de toi alors qu'il y a parmi eux Abu Bakr et Omar et Uthman, et Ali, et Abdullah ibn Mas'ud, les grands compagnons du prophète, alayhi sallam. Ça sert à quoi? Mais ça ne l'a pas découragé. Il a continué jusqu'à ce que toute la Ummah avait besoin de lui, après la mort des grands compagnons du prophète, alayhi sallam. Et c'est devenu le plus grand savant de cette communauté. Radiyallahu anhu, arda. Donc, le Nabi, alayhi sallam, un jour, il l'a pris dans ses bras. Il l'a serré, il a dit Allahumma allimhu al-kitab. Ou Allah, enseigne-lui le livre, c'est-à-dire le Coran. Le premier dans les deux authentiques, celui-là dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et dans un autre hadith, Nabi alayhi sallam, un jour, il a posé sa main sur l'épaule de Abdullah ibn Abbas. Il a dit Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Il a dit oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et enseigne-lui l'explication du Coran, l'exégèse. At-ta'wil ici, ça veut dire tafsir. Chez Salaf, at-ta'wil, ça pouvait s'utiliser pour désigner tafsir ou la réalité vers laquelle tend une chose. Il n'y avait pas de ta'wil comme chez les contemporains dans le sens, la falsification du sens. C'est l'explication. Abdurrahman ibn Abbas a entendu Abdullah ibn Abbas. Il l'a interrogé, il lui a dit « Est-ce que tu as déjà assisté à une salat de l'Eid avec le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ?» Il lui a dit oui. Et si je n'avais pas une place importante pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, jamais j'aurais assisté à salat l'Eid avec lui, car il était jeune. Il était jeune. Et il a dit « J'ai assisté avec lui à salat l'Eid, il est venu, il a fait salat tout d'abord » Et ensuite, il a fait le discours et il n'y a pas eu de adhan ni de iqama, comme on fait aujourd'hui, alhamdulillah, dans la conformité à la sunna. Et ensuite, dans son discours, le prophète, après le discours, il a ordonné aux femmes de faire as-sadaqa, de faire sadaqa. Et les femmes ont commencé à retirer leurs bijoux et les choses qu'ils avaient en or ou en argent. Et ils ont donné tout ça à Bilal radiallahu anhu, qui a ramené ça au prophète pour le donner fisabilillah. Lakin, attention, j'ai vu un égaré qui a fait la même chose, mais qui a pris les bijoux, il les a pris pour lui-même. Donc sachez, et ça malheureusement c'est un phénomène, ça fait penser à quelque chose. Yani, déjà, on ne demande pas aux gens, premièrement. Ah, de l'écotisop, tout ça. Allahu alam, ça profite à qui? Ne soyez pas naïf. C'est pas parce que tu veux faire le bien que tu fais n'importe quoi. Est-ce que tu connais pas des gens dans ton entourage qui sont vraiment dans le besoin et qui demandent à personne? C'est à ces gens-là que tu dois donner. C'est pas à quelqu'un qui fait un cotisop. Allahu alam, c'est qui? Est-ce que ça va profiter dans la da'wa ou contre la da'wa? Est-ce que c'est des gens qui vont combattre la religion? Et on entend des sommes, yani, ils ramassent des sommes, subhanallah, de quoi construire des mosquées. Pour cheikh un tel, 60 000 euros. Pour faire sa maktaba ou je ne sais pas quoi. Ne soyez pas naïfs. Faites le khair, na'am. Et donnez fisabilillah. Lakin, sachez où vous mettez votre argent. L'argent que tu as, c'est un rizq qu'Allah t'a donné. Sache où tu le places. Ne sois pas naïf. Yani, sachez où est-ce que vous mettez votre argent. Cette ni'ma qu'Allah vous a accordée, placez-la dans des choses yani, bénéfiques pour la umma ou pour la personne à qui vous donnez. Lakin, il ne faut pas qu'on se fasse duper par ces gens-là. Il faut faire attention, tout en faisant le bien. Attention, je ne vous décourage pas de vous donner fisabilillah. Au contraire, si tu veux donner tout ce que tu possèdes, fais-le. Si tu as assez de foi et assez de patience après avoir donné tout ce que tu possèdes. Lakin, sache où est-ce que tu places cet argent. À qui tu donnes cet argent? Il y en a qui peuvent profiter de cet argent pour combattre la da'wa salafia. Donc j'ai dit, j'ai vu cet égaré qui a volé l'argent de ces femmes naïves, leur a demandé de faire sadaqa. Inch'Allah, elles auront la récompense, Inch'Allah. Lakin, pour voir qu'il y a des gens mal intentionnés, comme ça, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a un cotisop, il y a ça, je donne. Préfère toujours donner à des gens que tu connais, de ta famille. C'est la meilleure des sadaqas. C'est de donner à des gens de ta famille. Car ils peuvent pas te mentir. Tu connais comment ils sont. Et ainsi de suite, à des gens de confiance en tout cas, qui vont yani, faire comme le Nabi Issa salam a fait. Il a fait parvenir ses dons à ceux qui les méritent. Alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Abbas, il dit, un jour, il est venu voir le Nabi Issa salam avec son père, l'Abbas. Et il y avait un homme chez le prophète, alayhi salam, avec lequel il parlait discrètement. Et comme si le prophète alayhi salam s'est détourné de l'Abbas, comme s'il ne lui a pas prêté attention. Et après un moment, ils sont sortis les deux, Abdullah ibn Abbas et son père, radiyallahu anhuma. Et l'Abbas, il a dit à son fils, Abdullah, il lui a dit, mon fils, t'as pas vu ou t'as pas remarqué que le prophète alayhi salam, comme s'il se détournait de moi. Abdullah ibn Abbas lui a dit, « Oh mon père, il discutait avec un homme. » Il discutait avec un homme. Et l'Abbas, il n'avait pas vu cet homme. Il lui a dit, « Discutez avec un homme. » C'est à cause de ça. Et ensuite, ils sont revenus chez le prophète alayhi salam directement. Et l'Abbas, il a raconté ce qu'il a dit à son fils, au prophète alayhi salam. Il lui a dit, au messager d'Allah, j'ai dit à mon fils, est-ce que le prophète alayhi salam il se détournait de moi? Il m'a dit que tu avais quelqu'un, un homme avec lequel tu discutais. Il a demandé au prophète alayhi salam, il lui a dit, est-ce qu'il y avait quelqu'un vraiment avec toi, avec lequel tu discutais? Le prophète alayhi salam a dit à Abdullah ibn Abbas, est-ce que tu l'as vu? Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, oui, je l'ai vu. Il lui a dit, c'était Jibril. Et j'étais occupé avec lui, c'est pour ça que je ne vous ai pas parlé. Donc, l'Abbas, radiyallahu anhu, n'a pas vu Jibril, alayhi salam. Et Abdullah ibn Abbas l'a vu. Ce hadith est authentique. Un autre sahabi, qui est le père de Jabir, le grand compagnon, le grand rapporteur de hadith, son père, il s'appelle Abdullah ibn Amr ibn Haram. Un grand compagnon, radiyallahu anhu, arda, qui est mort martyr dans la bataille de Uhud. Il fait partie des martyrs de la bataille de Uhud. Jabir, radiyallahu anhu, il dit, ils ont ramené mon père alors qu'il était défiguré. Kuffar Quraysh, vous savez que dans la bataille de Uhud, ils ont défiguré plusieurs compagnons. À leur tête, comme on a vu, Hamza radiyallahu anhu, l'oncle du prophète alayhi salam. Également, il y avait Abdullah ibn Amr ibn Haram, le père de Jabir. Et quand ils l'ont placé devant le prophète alayhi salam, ils ont placé son corps, ils l'avaient caché avec un tissu, afin qu'on ne voit pas comment il a été défiguré. Et Jabir, il voulait voir son père. Et les gens lui ont dit non. Et il a essayé une deuxième fois, ils lui ont dit non. Et le prophète alayhi salam a ordonné à ce qu'on retire le tissu. Et à ce moment-là, ils ont entendu le cri d'une femme. Le prophète alayhi salam a dit, c'est qui? Ils ont dit, c'est la fille de Amr. Yani la sœur de Abdullah ibn Amr. Ils ont dit, c'est sa sœur. La sœur du père de Jabir. Il lui a dit, le prophète alayhi salam a dit, pourquoi elle pleure? Les anges n'ont cessé de l'ombrer avec leurs ailes jusqu'à ce qu'il a été levé vers le ciel. Allahu Akbar. Jabir radiallahu anhu dit, un jour j'ai rencontré le prophète alayhi salam, il a vu que j'étais un peu triste. Il m'a dit, pourquoi t'es ainsi? J'ai dit, mon père est tombé martyr, il a laissé des enfants et des dettes. Et il a laissé des enfants et des dettes. Le prophète alayhi salam lui a dit, tu ne veux pas que je t'annonce une bonne nouvelle? Il lui a dit, si, ô messager d'Allah. Il lui a dit, Allah n'a jamais parlé à quelqu'un que derrière un voile. Et il a parlé à ton père directement, sans intermédiaire, et sans voile. Il a dit, ô mon serviteur, souhaite ce que tu veux, je te l'accorde. Il a dit, ô mon Seigneur, je souhaiterais retourner dans Dunia et tomber martyr une deuxième fois. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, mon décret a précédé. Personne ne retourne dans Dunia. Et ensuite a été révélé ce verset, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. Ne crois pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Ils sont vivants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jabir radiallahu anhu dit, le prophète alayhi salatu wa salam est sorti pour combattre les mushrikines, les associateurs. Et le père de Jabir est sorti avec le prophète alayhi salam. Il a demandé à son fils Jabir de rester à Médine et de voir ce qui va leur arriver, d'attendre ce qui va leur arriver. Il lui a dit, par Allah, si je n'avais pas des petites filles, j'aurais souhaité que tu viennes avec moi et que tu tombes martyr devant moi, que je vois que tu es tombé martyr dans la bataille. Lakin, il l'a laissé pour veiller sur ses petites filles. C'est pour ça, Jabir radiallahu anhu, il a pris ce conseil de son père, il a veillé sur ses sœurs, yani, d'une manière incroyable. Au point où le prophète sallam l'a incité à épouser une femme vierge, jeune, comme lui. Et il a préféré épouser une femme, yani déjà mariée et ayant de l'expérience, afin de l'aider dans l'éducation de ses sœurs. Et c'est ce qu'il a fait, radiallahu anhu. Il n'a pas pensé à sa personne, à épouser une jeune et profiter avec elle de ce que Allah lui a autorisé. Mais il a regardé tout d'abord l'intérêt de ses sœurs. Il les a élevées, il les a fait grandir ainsi, radiyallahu anhu wa arda. Et quand son père était tué dans la bataille de Uhud, ils ont pris les corps afin de les enterrer à Médine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de les enterrer là où ils les ont trouvés, là où ils sont morts. Et c'est pour ça le martyr, on l'enterre au même endroit, dans le même état dans lequel il est mort. Et on ne le lave pas et on ne fait même pas de salat sur lui. Et le martyr, il fait partie de ceux qui n'auront pas l'interrogatoire de la tombe, car l'épreuve qu'ils ont subie dans le sentier d'Allah est suffisante pour prouver leur foi et leur sincérité. Ça, c'est spécifique aux martyrs. Jabir aussi raconte que son père, il avait laissé des dettes. On a parlé de ses sœurs. Aussi, il avait laissé des dettes. Et la dette, c'était يعني un certain nombre de kilos de dattes qu'il prenait pour يعني dépenser sur les membres de sa famille. La modestie dans laquelle étaient ces hommes qui sont aimés par Allah à ce degré extrêmement élevé. Radiallahu anhum wa arda. Donc, il avait ses dettes et un parmi les créditeurs, un parmi ceux qui avaient prêté à son père des dettes, il était exigeant. Il voulait absolument récupérer son dû. Jabir est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, voilà, il y en a qui sont exigeants parmi les créanciers et ils veulent, et il y a un, il veut absolument tout de suite que je lui donne. J'aimerais que tu lui demandes de me donner un délai jusqu'à l'année prochaine quand il va y avoir les récoltes et je lui donne son dû. Nabi alayhi wa sallam lui a dit, Tayyib, Inch'Allah, je vais venir te rendre visite chez toi dans la mi-journée. Et il l'a attendu. Nabi alayhi salam est venu avec certains de ses compagnons. Et Jabir radiallahu anhu, il a commencé par dire à sa femme, le prophète alayhi salam, il va venir aujourd'hui chez nous. Dans la matinée, je ne veux pas que tu viennes le déranger. Ou que tu lui dises quoi que ce soit. Ne lui parle même pas. Et Nabi alayhi salam est venu. Il lui a mis un tapis par terre, lui a donné un coussin, un oreiller, et Nabi alayhi salam s'est reposé un petit peu. Il s'est endormi. Jabir est parti chercher une toute petite brebis qu'il avait. Il a demandé à un serviteur, à lui, de la préparer, de l'égorger, de la faire cuire, de la préparer. Et l'anar, ça fait à peu près moins de 6 kilos, 7 kilos, quelque chose comme ça de viande. C'est vraiment tout petit. Et il lui a dit, prépare-la avant que le prophète alayhi sallam se réveille. Il lui a dit, car le Nabi alayhi sallam, dès qu'il se réveille, il va me demander de quoi faire ses ablutions, et après il voudra partir, il faut que ce soit prêt pour que je lui présente. C'est ce qu'il a fait. Dès que le Nabi alayhi sallam s'est réveillé, il lui a dit, « Oh Jabir, ramène-moi de quoi me purifier. » Et dès qu'il a fini sa purification, alayhi salatu wassalam, il lui a présenté la viande. Et le Nabi alayhi sallam lui a dit, « Comme si tu savais à quel point j'aime la viande. » Il lui a dit, « Appelle-moi Abu Bakr Siddiq. » Car les autres sont restés dehors, ne sont pas rentrés. Ça devait être petit chez lui. Wallahu a'lam. En tout cas, ils sont restés dehors. Et il les a convoqués, sont rentrés tous. Nabi alayhi sallam leur a dit, Bismillah, koulou, mangez au nom d'Allah. Ils ont tous mangé jusqu'à se rassasier et rester beaucoup de viande dans le plat. Et ensuite, Nabi alayhi sallam est sorti de chez Jabir. Il disait à ses compagnons d'être devant lui et de ne pas être derrière lui, et de laisser derrière lui aux anges. Et quand Nabi alayhi sallam est sorti, la femme de Jabir, son épouse, est sortie de chez elle, elle a parlé au prophète alayhi sallam. Elle lui a dit, ô messager d'Allah, fais des invocations pour moi et pour mon époux. Nabi alayhi sallam a fait des invocations pour elle et pour son époux. Et ensuite, le prophète alayhi sallam a demandé à Jabir d'appeler celui qui était exigeant à récupérer sa dette. Il est venu, il lui a dit, donne-lui un délai jusqu'à l'année prochaine. Et l'homme a refusé. Il a dit, ça c'est l'argent d'orphelin, je dois absolument le récupérer. Le prophète alayhi sallam a dit à Jabir, pèse-lui des quelques dates que tu as à la maison, pèse-lui son dû et Allah il va te permettre de lui donner la totalité de ce que tu lui dois. Et effectivement, c'est ce que Jabir a fait. Il a sorti un peu de ajwa qu'il avait à la maison et il a commencé à peser jusqu'à lui donner la totalité de son dû. il restait beaucoup de dates encore. Et ensuite, le prophète sallam est parti quand il a vu que c'était, regardez à quelle heure ils ont mangé, ce qu'on appelle l'rada. L'rada, ça se mange à ce moment-là. Le premier repas à l'époque du prophète sallam, ils mangeaient le premier repas. Ils n'avaient pas ce qu'on appelle aujourd'hui le petit-déj. Ils avaient le déjeuner, et le déjeuner, ça se consommait entre 10h et 11h. Et après, ils faisaient une sieste jusqu'à salat al-dhuhr. C'est pour ça, après, il dit, c'était l'heure de salat al-dhuhr. Et Nabi a dit, Abu Bakr, c'est l'heure de dhuhr. Ils sont partis faire salat à la mosquée. Ensuite, Jabir les a rejoints dans la mosquée et il a trouvé qu'ils avaient fini la salat. Ils avaient fini la salat. Et Jabir a raconté ce qui s'est passé avec avec cet homme et qui lui a tout donné. Il restait encore beaucoup de dates. Le prophète lui a dit, appelle-moi Omar. Omar est venu en courant. Il lui a dit, demande à Jabir ce qu'il a fait avec cet homme à qui il devait des dates. Omar radiallahu anhu, il lui a dit au messager d'Allah, il n'y a pas besoin que je lui demande. Tu lui as dit qu'Allah va payer pour lui, Allah a payé pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, demande-lui. Il a dit la même chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, quand il répétait une chose trois fois, il savait qu'il faut la faire, il la faisait. C'est pour ça, la troisième fois, il a demandé à Jabir radiallahu anhu, il lui a dit, voilà, je lui ai donné jusqu'à rembourser la totalité, il restait encore beaucoup. Après cela, Jabir est rentré chez lui. Qu'est-ce que vous pensez qu'il allait faire? Il est rentré chez lui, radiallahu anhu, et il est allé voir sa femme. Il lui a dit, pourquoi t'as parlé au prophète, alayhi sallam, alors que je t'ai dit de ne pas lui parler et de ne rien lui demander pour ne pas le déranger? Son épouse lui a dit, jamais je n'ai pensé que le prophète, alayhi sallam, allait venir chez nous. Et tu pensais que j'allais louper cette occasion et laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam partir sans lui demander de faire des invocations pour moi et pour mon époux. Et ça s'est terminé ainsi, rapporté dans c'est un hadith authentique, rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad. On va terminer avec Abdullah ibn Amr ibn al-As, le grand rapporteur de hadith, le grand compagnon, radiyallahu anhu wa arda. Lui, c'est un compagnon, et son père, c'est un compagnon également, Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr, parmi les grands adorateurs et les grands savants, et les grands dans le hadith, les grands rapporteurs du hadith, il dit de lui-même, Abdullah ibn Amr, il dit, avant je jeûnais tout le temps, c'est-à-dire tous les jours, et je récitais le Coran chaque nuit en entier. Ou bien il dit, quelqu'un a dit ça au prophète, et celui qui a dit ça au prophète, c'est son épouse. Mais là il dit, ou bien quelqu'un a dit ça au prophète, ou il m'a convoqué, il m'a interrogé. Mais son épouse s'est plaignée au prophète de son adoration et qu'il ne lui accordait pas de temps. Tout le temps en jeûne, dans la récitation du Coran, il n'accordait pas de temps à son épouse. C'est pour ça qu'elle s'est plaignée au prophète. Et le prophète l'a convoqué. Il lui a dit, on m'a informé que tu jeûnais tous les jours et que tu récitais le Coran chaque nuit, entièrement. Il a dit oui au prophète d'Allah. Et je n'ai voulu par cela que le bien. Le prophète lui a dit, ça te suffit de jeûner trois jours par mois. Il a dit au messager d'Allah, je peux faire plus que ça. Le prophète lui a dit, sache que ton épouse a un droit sur toi, et que ton invité a un droit sur toi, et que ton corps a un droit sur toi également. Il faut un équilibre entre le droit d'Allah et c'est aussi des droits d'Allah. que tu accordes à ton épouse, à ta famille, à tes frères en Allah subhanahu wa ta'ala, à tes invités, et ainsi de suite. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, alors si tu veux jeûner au maximum, jeûne le jeûne de Daoud, car c'était le plus grand adorateur. C'était le plus grand adorateur, Daoud alayhi salam. Il lui a dit au messager d'Allah, c'est quoi le jeûne de Daoud? Il lui a dit, jeûne un jour et mange le jour suivant. Yani, jeûne un jour sur deux. Et récite le Coran en un mois. Il a dit au messager d'Allah, je peux faire plus que ça. D'accord, pour le jeûne, un jour sur deux. Lakin, pour le Coran, je peux réciter plus que ça. Il lui a dit, récite-le tous les 20 jours. Il a dit, je peux plus que ça. Tous les 10 jours, tous les 7 jours. Et ne fais pas plus que ça. Car ton épouse a un droit sur toi, ton invité a un droit sur toi, et ton corps a un droit sur toi. Le droit du repos aussi, du corps. Et dans une riwaya, il lui a dit, celui qui récite le Coran en moins de 3 jours, il ne le comprendra pas. Les savants ont dit que ça, c'est pour celui qui a cette habitude. Amma, quelqu'un qui fait ça exceptionnellement pendant Ramadan, il n'y a pas de mal. Lakin sahaba, il finissait le Coran tous les 7 jours. Et il ne faisait pas moins que ça. Et c'est pour ça, Abdullah ibn Amr, il a dit, يعني فشددت فشدد علي, comme s'il était dur avec sa personne, et ce qui lui a été imposé était également dur. Et le Nabi alayhi salam, pourtant, il lui a dit, tu ne sais pas, peut-être que tu vivras longtemps, et ça va devenir pénible pour toi de faire ce que tu fais. Car les adorations les plus aimées par Allah, c'est celles qui sont faites dans la constance, comme bien même c'est peu. Est-ce que tu vas pouvoir maintenir ce rythme, jeûner un jour sur deux et réciter le Coran tous les 3 jours ou chaque nuit, toute ta vie? Ça va être difficile quand la personne elle vieillit, elle prend de l'âge. Et Abdullah radiallahu anhu a dit, effectivement ce qui s'est passé, c'est comme le Nabi alayhi salam m'a dit, j'ai pris de l'âge et j'aurais souhaité avoir pris la permission du prophète alayhi salatu wassalam. Il lirait le Coran tous les 7 jours, ou même plus, jeûner un jour sur deux, ou même moins, et garder ça dans la constance. Car sahaba, il savait que la constance est meilleure que la grande quantité interrompue. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل, comme dans le hadith. Abu Huraira, le rapporteur de cette communauté, il dit, le rapporteur de hadith de cette communauté, il dit, il n'y a pas un parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui avait plus de hadith que moi, sauf Abdullah ibn Amr, car il écrivait et moi je n'écrivais pas. Moi je yani, me contentais de ma mémorisation. Et lui il mémorisait, il écrivait. Yani, comme si Abu Hurayra radiallahu anhu a oublié quelques hadiths et que Abdullah ibn Amr n'a pas oublié car il écrivait. Lakin, le plus grand rapporteur de la Umma, c'est bien évidemment Abu Hurayra radiallahu anhu wa ardah. Voilà, avec ça, nous allons terminer aujourd'hui. Dans le cours prochain, on va parler de Abdullah ibn Mas'ud, ce grand compagnon. Et aussi de Ammar ibn Yasir, peut-être de d'autres compagnons avec lesquels on va terminer cette série sur les compagnons avant d'entamer la dernière partie qui concerne Sahabiyat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.